La musique que vous venez d'entendre est bien connue à l'île grecque Lesbos et qui s'appelle, comme vous avez bien entendu, No Border Lesbos. Nous donnerons la parole avec deux témoignages audio enregistrés par Hans par téléphone, deux hommes venus d'Afrique qui se trouvent actuellement sur l'île de Lesbos et qui ont bien voulu partager avec vous leurs témoignages. Merci encore une fois à eux d'avoir voulu témoigner pour la radio. Les deux hommes viennent d'Afrique et ils sont en attente pour pouvoir obtenir leur asile en Grèce, pour pouvoir sortir de l'île grecque Lesbos. Une personne est logée dans une maison située dans la ville capitale de Lesbos, Mytilini, et l'autre personne se trouve dans le camp Moria, à 15 km de la ville. Pour donner un peu plus de contexte, l'île grecque de Lesbos se trouve juste à côté de la Turquie. La distance par la mer entre Turquie et Lesbos est d'environ 7 à 20 km, selon qu'on soit dans le nord de l'île le plus proche ou à Mytilini. Beaucoup de migrants payent des trafiquants pour pouvoir faire le passage dans les canaux. Une fois arrivés, si tout se passe bien sur l'île de Lesbos, ils sont interpellés tout de suite et emmenés dans un bus vers le camp de réfugiés qui s'appelle Moria. Le camp est situé à 15 km de capitale Mytilini, dans la campagne tout isolée. Dans le camp Moria, il y a une section qui est organisée comme un centre fermé, bien plus sécurisé, dans laquelle on enferme, normalement, toutes les réfugiés qui viennent d'arriver sur l'île pour ensuite faire des contrôles médicaux, etc. Et les dispatcher vers un autre centre, centre-ci sont plus vulnérables. On enferme les réfugiés aussi pour les punir d'avoir traversé illégalement les frontières. Mais comme vous allez entendre dans les témoignages, il y a des traitements très différents, aussi dans la durée de l'enfermement. La situation actuelle à Lesbos. En mars 2020, il y avait plus de 20 000 demandeurs d'asile et réfugiés entassés dans les camps de Moria, d'une capacité de seulement 3 000 personnes. Il n'y a pas d'hygiène de base, il n'y a pas d'eau, rien. Les incendies dans les camps et dans les centres communautaires ont été fréquents ces dernières semaines, l'un d'entre eux ayant même entraîné la mort d'un enfant de 6 ans. Depuis le début de 2020, Covid-19 a posé des défis dans le monde entier et a entraîné de nouvelles couches de difficultés graves pour les îles grecques. Le 17 mars, tous les camps des îles grecques ont été mis sous confinement par l'épidémie de Covid-19. Avec une distribution de nourriture 3 fois par jour, sans gants ni précautions sanitaires, dans des camps où il y a en moyenne un robinet pour 1300 personnes. Les droits de l'homme et le droit international sont également de plus en plus violés. Une nouvelle loi grecque, adoptée en octobre 2019, rend plus difficile la demande d'asile car l'accès à l'aide juridique n'est plus facile. En outre, le 1er mars 2020, la Grèce a suspendu le droit d'asile pour une période de 4 semaines et renvoie tous ceux qui entrent dans l'Union européenne sans papier. Entre les témoignages, vous allez entendre la chanson de Tikenja Fakoli, Où allez-vous ? Bonsoir monsieur. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous raconter, vous êtes de quelle origine, d'où venez-vous ? Je viens du Burkina Faso. Et vous êtes arrivé à Lesbos ? Bon, je suis arrivé à Lesbos, disons, ça part en 2 ans comme ça. J'attends toujours mon entretien pour l'asile, parce que je n'ai pas encore fait mon entretien. Et vous êtes arrivé par la Turquie? Oui, bien sûr, par l'Iran, de la Turquie, en Grèce. Et où est-ce que vous êtes logé pour l'instant? Bon, pour l'instant, je suis à Mytilini, bon, c'est une petite ville qui est à côté du camp, disons, peut-être 20 ou 15 kilomètres de Moria. Et comment est-ce que vous êtes arrivé dans cette maison? Qui vous a mis là-bas? Bon, parce que quand j'étais arrivé, la vie au camp, c'était vraiment misérable. Je n'arrivais pas à m'adapter. Et mes frères, bon, j'avais des amis là-bas. Bon, parce que quand je suis arrivé directement, je suis allé en prison. J'ai fait 3 mois en prison. Et j'ai demandé pourquoi on m'amène en prison. Oui. Rien que parce que bon, il y a d'autres qui disent que non, parce que il n'y a pas de guerre chez vous, c'est pour qu'on t'amène en prison. Bon, en oubliant que c'est pas la guerre seulement qui peut te faire quitter ton pays. Donc, je fait 3 mois de prison. On dit centre de détention. Ça, c'est pas centre de détention. J'ai fait 3 mois de prison. Quand on venait nous donner à manger, même on nous jetait la nourriture par terre, comme si on était des animaux. Les animaux, même, on leur donne bien à manger. Oui. Je sais pas à quoi je pourrais qualifier ça, quoi. Sinon, sincèrement, c'était misérable. C'était une prison sur Lesbos? Oui, oui, c'est à Lesbos, oui, là-bas. Oui. Parce qu'il y a une prison à l'intérieur. Et qu'ils ont surnommé centre de détention. C'est pas une centre de détention. Parce qu'il y a une cour. Donc, on vous enferme à l'intérieur avec le cadenas. Et à un certain moment, on vient, on ouvre, on vous donne à manger. On vous referme à l'intérieur. Il y a des temps aussi où on vous libère. Vous êtes dans la cour. À un moment, on dit, OK, il est l'heure. Rentrer à l'intérieur, on vous enferme. Donc, chaque fois, je pleurais comme ça des larmes. Jusqu'à ce que je suis sorti. Parce que ça n'a pas été facile. Et comment vous avez pu sortir de la prison? Bon, j'ai attendu ma date de sortie. Et je suis sorti parce que je n'avais pas le choix. Souvent, même quand je disais, je ne me sens pas, je veux qu'on m'emmène, ils s'en foutent parce que ça ne les regarde pas. Ouais. J'ai aussi grouillé, j'ai pu tenir jusqu'à la date de ma peine. Je suis sorti. Bon, malgré que j'étais sorti, je n'allais pas bien. On m'a amené à l'hôpital. Avec les traitements, on m'a transféré dans un hôpital en ville qu'on appelle MSF, que tout le monde connaît, les Médecins sans frontières. Voilà. Et c'est grâce à eux aussi. Donc, si je ne me trompe pas, parce que ma situation au camp, c'était pas du tout favorable. Je n'arrivais pas à vivre là-bas parce que je ne dormais même pas. Il faut aller s'aligner, prendre des heures pour prendre la nourriture. Et la nourriture même, c'est pas de la nourriture comme telle. Donc, problème de l'eau, il faut s'aligner pour prendre la douche. Souvent même, il n'y a pas l'eau, ça coupe. Donc, c'est vraiment misérable. J'ai réussi, ils ont réussi à gagner une maison pour moi, ici en ville. Et je suis là, j'attends toujours. Et comment c'est la vie dans la ville? Comment ça se passe avec les gens, la population? Bon, en tout cas, la vie en ville... Ici, à Lesbos, sincèrement, c'est compliqué. Parce qu'il y a beaucoup de fascistes, qu'on appelle les racistes. Ils sont partout. Pourtant, nous, les réfugiés, bon, on n'est pas là pour faire du mal. On veut juste une petite sécurité où on se sentra à l'aise. C'est ce qu'on demande. On ne demande pas plus. Mais il y a d'autres qui ne comprennent pas quand ils nous voient. Selon eux, nous sommes des bêtes noires. D'autres qui nous insultent parce que souvent, on attend des injures parce que nous sommes noirs, qu'on sort. Donc, avec tout ça, ça nous rend la vie compliquée, quoi. Est-ce que vous êtes au courant de ce qui se passe dans le camp, Moria? Ouais, en tout cas, actuellement, c'est parce que je me dis, au moment où j'étais là, c'était un peu mieux. Mais actuellement, sincèrement, c'est pire. Ouais, c'est pire parce qu'il y a trop de monde. Trop de monde entassé au camp là-bas. Même la semaine passée, il y a eu du feu là-bas. Chaque fois, on va faire comme on n'a pas le choix. Il y a des maisons, il y a des conteneurs qui ont brûlé. Il y a une petite fille même qui a perdu la vie. Petite fille de 7 ans, si je ne me trompe pas. Bon, vous devrez être au courant de ça. Et ce n'est pas la première fois que Moria prend feu là-bas. Du fait que d'autres n'arrivent pas à s'en sortir, ils sont obligés de voler pour pouvoir manger. Même moi, j'ai été victime, ils ont volé mon téléphone là-bas. Il y a 3 gars, ils ont pris mon téléphone, je veux voir. J'ai payé le téléphone d'Athènes parce que je n'avais pas de téléphone, mon téléphone était gâté. Et ils m'ont envoyé le téléphone à 200 euros. Le lendemain seulement, je suis allé au camp pour voir un ami. Et il y a 3 personnes, je vais regarder ton téléphone. Quand ils ont pris, il a remis à l'autre derrière, il a fui avec. Mais j'ai pu saisir celui qui tenait mon téléphone. Je l'ai amené à la police. Ça n'a rien donné. Ils nous ont dit quoi? Allez-y, réglez ça entre vous. C'est pas comme ça la vie. Donc, les conditions du camp, c'est pas bien. Mais tout ça, souvent, moi, je dis non, ça veut dire c'est pas la faute des Grecs, c'est l'Union européenne. Oui. Ils ne veulent pas réagir. Ils ne veulent pas. Comme nous sommes qui écrivons chaque jour, des heures, à chaque heure, chaque minute, chaque seconde, les presse en parlent. Mais l'Union européenne ne réagit pas. Ok. Au moment où Erdogan a ouvert les frontières en disant aux gens de passer, l'Union européenne était au courant. Il s'est levé. Parce que nous-mêmes, on croyait que non, Erdogan, mais chacun savait que c'est quelque chose. Erdogan a visé son intérêt en ouvrant les frontières pour que les réfugiés puissent rentrer. Et quand l'Union européenne a appris ça, Erdogan a eu sa part. Il a refermé ses frontières parce que sa part de contrat a été résolue. Il a eu ce qu'il voulait. Ouais. Et nous, on est là. Nous, on est là. Chaque jour, on crie, on pleure. Partout, ça crie. Mais pas de réaction. On a juste fait quoi? Ou bien, c'est nous, les réfugiés, qui avons sacrifié Jésus-Christ. Et je ne connais pas la situation en Grèce ou à Lesbos. Mais maintenant, avec la pandémie de Corona, avec l'épidémie, ouais. quel est l'impact sur votre vie de ça? Est-ce que vous êtes confiné à la maison? Bon, non, nous sommes toujours confinés à la maison ouais. parce qu'ils avaient donné le message que d'ici le 6, ils vont voir si ça s'est un peu calmé, peut-être les gens vont commencer à sortir. Bon, on attend le 6. Mais en tout cas, vous-même, vous savez, le coronavirus, si ce virus arrive au camp là-bas, ouais. à Lesbos, ouais. la population est finie. Oui, c'est une catastrophe. Ouais. Voilà, catastrophe. Parce que, de un, il n'y a pas de détergent, choc, de quoi. Il n'y a pas l'eau. Partout à Moréa, c'est cerné par des ordures, de l'eau sale. Moréa, ce n'est pas un lieu où il faut vivre même encore. Parce que si le coronavirus arrive au camp, en tout cas, c'est la catastrophe. Ouais, c'est la catastrophe. Et vous n'avez rien entendu pour l'instant? Est-ce qu'il y a des malades? Enfin, il y a peut-être toujours des malades, mais... Bon, il y a des malades, mais les cas de coronavirus au camp là-bas, bon, on n'a pas encore appris. Bon. Ouais. Au moment où on avait appris qu'il y a peut-être deux cas, mais on doutait quoi. Mais quand ils ont confirmé que non, ce n'était pas des cas de coronavirus jusqu'à présent. Bon, c'est aujourd'hui, un ami me disait que c'est dans un camp, je ne sais pas, à Ritsona. Paraît que ça sera loin d'ici. C'est un camp qui est, bon, je ne sais pas ça à combien de kilomètres en tout cas. Et il y a eu des cas là-bas actuellement et ils ont mis le camp en quarantaine. Bon, je ne sais pas si l'affirmation est vraie ou... Oui, j'ai entendu qu'il y a un camp en quarantaine, un camp près d'Athènes. Oh, oui, c'est près d'Athènes, Ritson. Oui, ouais, ça doit être ça. Ben, écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre témoignage. Je vais encore parler avec d'autres gens et on va passer l'émission, ça sera pour le 8 avril. Ok, le 8 avril. Et quand j'ai un enregistrement, je ne sais pas si vous avez accès à Internet ou quelque chose, mais je vais vous envoyer le lien par SMS. Okay. Donc si jamais okay. vous voulez écouter, comme ça vous pouvez écouter l'émission. Oh. Ok, ça marche. Merci à vous. Ah, je vous en prie. Ah, en tout cas, essayez de voir aussi que vous pouvez envoyer les messages. Ça veut dire qu'il faut que l'Union européenne réagisse. Ah, il faut qu'ils réagissent. Et ils sont là, dans leurs belles maisons, dans de belles hôtels, ils roulent dans des voitures de luxe. Mm-hmm. Et nous, on est là. Nous, on demande peu seulement. Nous, on ne veut pas des voitures, on ne veut pas des maisons de luxe. On veut le peu. Ça ne vaut même pas la moitié de ce qu'eux, ils ont. Mm-hmm. On veut juste être... en sécurité, vivre dans de bonnes conditions, avoir de bonnes conditions de vie. C'est ouais, tout ce qu'on demande. Bien sûr. Ouais. On ne demande pas trop, mm-hmm. mais avec ça, eux, ils s'en fichent. Je ne sais pas. Les journalistes sont là pourquoi? C'est pour donner le message que ça arrive loin. Ouais. Ça fait si longtemps qu'on écrit sur la Grèce, sur Lesbos, et c'est toujours comme ça. Ce que l'Union européenne peut faire, c'est d'envoyer l'argent à la Grèce pour qu'ils puissent prendre soin de nous. Mais ça ils font rien. On ne fait que souffrir toujours. Mais non. Ils espèrent juste que Grèce va vous garder emprisonné. Comme ça, vous ne rentrez pas en Europe. Et c'est tout. Non, mais selon moi, l'Union européenne est au courant de ça. Ça veut dire que c'est la politique. Oui, oui. Hein? C'est la politique. Ça veut dire qu'ils envoient de l'argent à la Grèce pour que la Grèce nous retienne ici pour qu'on ne puisse pas rentrer dans d'autres pays. Exactement. Non, si c'était le cas, si l'Union européenne s'élevait, ok, l'Allemagne, tu prends tant le minimum d'hommes, la Belgique, le minimum de réfugiés, et ça veut dire chaque pays européen doit prendre minimum de réfugiés. qu'on n'allait pas en être là. Oui, c'est ça le problème. Voilà, c'est ça le problème, mais ils ne veulent pas. C'est d'envoyer l'argent à la Grèce. OK, gardez-les ici. Et la Grèce aussi, ils sont là en train de nous maltraiter. Comme si, ça veut dire comme si on est né sans parents. Nous, on a grandi dans des familles. Nous, tous qui sommes ici en tant que réfugiés, c'est bien vrai que beaucoup de nous ont perdu leurs parents. Mais il y a d'autres qui ont toujours leurs parents. Nous ne sommes pas nés de la dernière pluie. Nous sommes des êtres humains. Bien sûr. Pas des extraterrestres ou des robots. Je ne sais pas si un jour tout ça là va changer. C'est comme le racisme. Le racisme est là depuis. Je n'étais pas né, je suis né, je trouve toujours les gens sont racistes. Donc, nous aussi, on est là, on attend le changement, mais on ne sait pas quand. Oui, c'est un grand, grand problème. En plus, c'est aussi la politique de l'Europe crée aussi le fascisme, parce que les gens, voilà, c'est compliqué pour les gens, pour les Grecs aussi. Et donc, ça crée des tensions. Oui, ça crée. Ça veut dire souvent, même eux-mêmes, ils ne voient pas. Bon, eux, ils crient. Il y a beaucoup de Grecs aussi qui sont antifascistes. Ça veut dire, même quand le gouvernement a envoyé des soldats pour bâtir le nouveau camp pour les réfugiés, ceux qui se sont levés, ils ont refusé. Ce ne sont pas des racistes, mais ils ont refusé. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Parce que nous sommes ici. Le mieux pour nous, c'est de nous laisser l'opportunité de rentrer dans d'autres pays européens. Parce que nous sommes ici, le travail, on n'a pas accès au travail. Exemple, même si tu veux, tu peux aller quelque part même pour parler de travail, tant que tu ne parles pas la langue grecque même, on ne parle même pas de toi. Parce que j'ai une fois eu ce genre de problème, j'avais mon sous-vêtement de soie, que la fermeture est gâtée. Donc, je partais dans un atelier, je voulais demander à la dame si je peux arranger ça ici. Au moment où je suis rentré dans l'atelier, je dis, je vais parler seulement. La vieille ne m'a même pas laissé parler. Elle dit, non, non, non, non, go, go, go, go, go. Oui. Elle dit, non, non, non. Elle m'a chassé comme ça. Ouais, bon, c'est terrible. C'est pourquoi souvent on dit, si on se pend ou on se tue même, ça vaut mieux. Ben, écoutez, il faut que ça change au niveau européen, ça c'est clair. Bon, écoutez. Je vais devoir arrêter. Donc, je vous remercie beaucoup, en tout cas. Je vous tiens au courant. Ok, ça marche. Ça marche? Allez, merci, hein, bonne soirée. Je vous en prie, à vous de Oui, au revoir. Ok, au revoir. Elle n'était dans mes rapaces. bras sur tes tombes. J'ai pris les vagues au milieu de la mer qui brille. Mais elles ont fait tomber toute ma famille. Je ne sais pas où aller, où aller, où, où aller, où aller, où, je ne sais pas où aller. Puis je me souviens plus, j'ai été réveillé par une voix sèche qui m'a dit tes papiers. Et puis je me souviens que dans cet ouragan, on m'attendit la mer, mais elle portait des gants. Où aller, où, où aller, où aller, où, je ne sais pas où aller. Où aller, où, où aller, où aller, où, je ne sais pas où aller. Allô? Allô? Ah voilà, bonsoir, ici c'est Hans de Bruxelles, de Radio Air Libre. Oui, oui. Voilà, bonsoir. Je dois vous dire, l'appel est enregistré maintenant. Ça va? Comme ça, oui. Comme ça vous êtes au courant. Oui, oui. Voilà, merci de répondre à mes questions. Oui. J'aimerais bien savoir... Quelle est votre origine et comment est-ce que vous êtes arrivé sur Lesbos? Bon, je suis arrivé à Lesbos depuis juin 2019. Oui. J'ai pris les bottes que nous-mêmes on a l'habitude d'appeler le Jinky. On était au nombre de 53 personnes. Mm-hmm. Nous sommes arrivés à Lesbos et que tous les Africains font la prison. Maintenant, ouais. les faux blancs, ils ne font pas la prison. Genre les Syriens, les Iraniens, ils ne font pas la prison. Donc, toutes les Noirs font la prison. Ouais. Oui, j'ai fait, oui. J'ai fait la prison pendant 3 mois. Après la prison, on nous a laissés. Et pourquoi cette différence, vous pensez? Comment? Pourquoi vous êtes traité différemment, à votre avis? Différemment? Vous dites que vous allez en prison, il y en a d'autres qui ne vont pas en prison. Oui, parce que, je ne sais pas, parce qu'ils se disent que les Syriens, les Afghans, ils sont nombreux. Si tu les mets tous en prison, la prison sera débordée. Ah. Donc, il faut, oui. Voilà. Ouais, donc, ils préfèrent mettre les Africains qui viennent moins en prison. Mm-hmm. Donc, c'est ce qu'ils font. Ah oui, parce qu'il y a moins d'Africains qui passent en fait par la Turquie pour arriver en Europe. Oui, oui. Ah, je vois. Et donc vous avez été en prison pendant 3 mois. Pendant 3 mois. Comment ça a été pour vous? Quelles étaient les conditions de la prison? Bon, les conditions de la prison sont vraiment terribles. Oui. Ils sont vraiment terribles. On vous envoie la nourriture que tu n'as jamais mangée, mais tu es obligé de manger. Oui. La meilleure, c'est le petit déjeuner du matin, c'est un croissant par chacun d'eux. C'est la meilleure nourriture. Après ça, donc, à midi, ce qui va venir, tu ne peux pas manger. Oui, le soir, on t'emmène. Oui, parce qu'on t'emmène dans la nourriture, qu'il n'y a même pas, c'est pas salé. Il n'y a rien que tu ne peux pas manger, donc tu es obligé de laisser. Mmh. Oui. Et après 3 mois, vous avez pu quitter la prison. La prison. Et vous êtes parti où alors? Bon, après la prison, quand on te laisse, quand tu quittes la prison, maintenant tu es dans ton sac. Et puis quand tu sors, et puis ils ne te guident pas. C'est comme si tu es au dehors, c'est à toi-même de t'orienter. C'est à toi-même de t'orienter. Si tu veux, il faut dormir au dehors, ça, ce n'est pas les problèmes. Oui. Et vous êtes parti. Donc, où, à travers les amis, j'ai appelé les amis sont venus me chercher, où on était au nombre de 20 dans même conteneur. Oui. On était au nombre de 20 dans même conteneur. Il y avait au moins 5 lits. Donc, c'est un peu ça. Oui. Et aujourd'hui, vous vous trouvez à Moria? Oui, présentement, je me trouve à Moria. Oui. Et comment ça se passe au camp? Maintenant, je ne parle pas encore de corona ou quelque chose, mais déjà avant, comment ça se passe en fait? Comment est la vie dans le camp? La vie du camp, c'est très, très terrible. Là, je ne vais pas te mentir. La vie du camp est très, très terrible. On voit que notre vie est en danger. Il n'y a pas d'hôpitaux. Il n'y a pas de docteur. Si ce n'est pas MSF qui vient en aide. Normalement le docteur que l'État même a donné, il est seul. Et pourtant, le lit là contient plus que 23 000 personnes sur le lit. Les migrants à Lesbos. Et puis maintenant, il y a un seul docteur. Donc, ça fait qu'à 6 heures du matin, quand tu te réveilles pour aller chez le docteur, il y a au moins 400 personnes qui sont avant toi. Ah oui, c'est impossible. C'est très, très impossible. Comment tu vas te soigner? Et puis, jusqu'à 8 heures, il te dit que non, que lui doit prendre 100 personnes, 50 personnes, donc venez de soi. Donc, tu reviens de soi, c'est la même chose. Donc, tu ne sais pas comment tu vas faire. Donc, Moria, sérieusement, dit Moria, c'est l'enfer. Moria, c'est l'enfer. Et vous êtes logé dans des tentes, dans des conteneurs, Dans les conteneurs. Ouais. Et vous êtes combien dans un conteneur? Bon, au début, on était au nombre de 20. Présentement, nous sommes au nombre de 15 dans le même conteneur. Ouais. Ah oui, c'est quand même nombreux. Imaginez que la pandémie, l'épidémie corona arrive dans le camp. Comment ça va se passer, vous pensez? Ah, si la maladie arrive au camp, ça serait, il va tuer tout le monde. Parce que tu vas trouver qu'il y a une toilette, donc il y a au moins 1000 personnes, ou 2000 personnes qui utilisent une toilette. Ça, c'est pas la mort, ça. Les pompes robinets, il y a au moins 10 robinets. Dans les 10 robinets, 5 000 personnes, 10 000 personnes vont utiliser la même robinet. Ça, c'est pas une mort? Ouais, c'est incroyable. C'est très, très incroyable. On ne sait même plus quoi faire. Ouais. Et dans le camp, est-ce que les personnes qui habitent dans le camp, est-ce qu'ils sont capables d'organiser une sorte de vie ou de s'organiser d'une certaine façon ou l'autre? Bon, on est obligé de se vivre comme ça parce que depuis l'arrivée de la maladie, on a rien reçu de l'air pas si ce n'est pas un morceau de savon. Un morceau de savon, ça ne peut rien faire. On a reçu seulement un morceau de savon. Ouais, et est-ce que vous pouvez sortir du camp? Bon, on ne peut pas sortir du camp. On ne peut pas sortir du camp parce que même pour partir en ville, on doit aller prendre l'autorisation à la police. Et puis, cette autorisation, on donne à 100 personnes par jour. Tu dois aller parler ce que tu dois aller faire dans la ville. Après, tu dois partir avec tes motifs. S'ils voient que, non, que tes motifs ne sont pas solides, on ne te donne pas l'autorisation à aller en ville. Voilà. Donc, chaque jour, c'est 100 personnes qui doivent aller. Si jamais vous arrivez à sortir du camp, est-ce qu'il y a un endroit où vous pouvez aller? Est-ce que vous pouvez vous enfuir quelque part? M'enfuir pour aller où? Ah, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des camps informels ou des... Bon, ici, dans ce camp ici, on ne peut pas fuir parce que le camp est sécurisé. Parce qu'avant de sortir, il faut avoir une carte qui est ouverte. Bon, présentement, où nous sommes, notre carte n'est pas ouverte, donc on n'a pas le choix de fuir parce qu'on ne sait pas comment on va fuir. Oui. Donc, on est obligé de rester pour attendre la procédure. Après la procédure, on va voir ce qui va donner après. Et la procédure, en général, combien de temps est-ce que ça prend? Bon, ici, la procédure, moi, je suis venu, c'est ce que je disais, je suis venu jusqu'en juin. Oui. En juin. Maintenant, je suis sorti en août de la prison. Oui. Je suis sorti en août en prison et que je suis allé déposer mes dossiers à la demande d'asile. Mm-hmm. Et qu'on me dit, ma date d'interview, c'est jusqu'en 2021. Donc, je suis là, il les attend. Jusqu'en 2021, c'est vraiment terrible. Oui. Oui, bien sûr. Imaginez-vous quelqu'un qui est venu depuis 2019, qui va attendre sa procédure jusqu'en 2021, c'est vraiment terrible. Oui, ça prend 2 ans. C'est 2 ans qu'on doit passer dans le temps. Dans 2 ans. 2 ans de se passer dans le temps sans rien faire. C'est pas du tout joli à voir. Oui, ben écoutez, tout à l'heure, j'ai discuté avec une personne qui habite en dehors du camp, à une quinzaine de kilomètres dans une petite ville. Bon, je ne connais aucune personne parce que les camps-ci, bon, on ne te donne même pas l'opportunité de sortir parce que le camp elle n'est pas loin de Moria, puisque si tu vas à 15 km pour aller dans haute ville, quand les habitants te voient et puis maintenant ils appellent la police vient vous contrôler et vous demande vous êtes venu faire quoi ici. Oui. Donc, il demande une explication, tu lui as dit que non, je suis venu me balader pour voir comment l'entourage fait. La police te dit non, tu n'es plus. Quand tu es migrant, tu n'as pas le droit de sortir pour te balader parce que tu n'es pas un touriste. Donc, vaut mieux de rester au camp. Donc, la prochaine fois, on te voit, tu es au dehors, tu es dans tel point, on va t'arrêter. Pour dire tout. Voilà, donc c'est un peu ça. Ok. Ben, écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre témoignage. Ça va passer à la radio mercredi prochain. Oui. Et puisque j'ai votre numéro de téléphone, je ne sais pas si vous avez un accès à Internet, mais si jamais, je vais vous envoyer le lien avec l'enregistrement de l'émission. Oui, oui. Comme ça, vous pourrez réécouter, vous pouvez écouter ce qu'on a fait avec votre témoignage. Ok. Ouais. Okay. Donc, tu m'envoies le lien. Je vais vous envoyer le lien avec l'enregistrement sur votre avec un SMS. Voilà. Ok. Il n'y a pas de problème. S'il y a autre question, jusqu'à mercredi, tu peux m'en demander et puis je peux te dire autre. Bah, écoutez, s'il y a des développements, je vais vous recontacter alors. Ok. Et maintenant, vous avez mon numéro aussi, donc si jamais il y a quelque chose, vous pouvez m'appeler aussi. Ok. Ça va? Ok. Allez, merci beaucoup, monsieur. Et je vous souhaite une bonne soirée et bonne chance. Ok, merci beaucoup à vous. Au revoir, monsieur. Après avoir entendu cette terrible nouvelle, vous pouvez peut-être se demander quoi faire. Voici quelques propositions données par Women Refugee Roots. Montrez votre soutien, restez informés, agissez. Nous devons nous connecter pour faire preuve de la solidarité, être leur voix dans le reste de l'Europe. Rendre l'invisible visible et maintenir la pression. Parlez de ce qui se passe aux frontières avec vos amis. Contactez votre député européen, élevez la voix ou envoyez une lettre aux organisations sur le terrain pour les remercier de leurs efforts inlassables. Soyez créatifs. Passez à l'action. Il est encourageant de voir que de nombreuses initiatives attirent l'attention pour maintenir la pression sur les autorités locales et européennes. Vous pouvez contribuer dès d'aujourd'hui en signant la pétition hashtag Leave No One Behind. Faites un don. La viabilité financière est un défi énorme pour les acteurs sur le terrain. Alors si vous le voulez, ou si vous connaissez des personnes qui le peuvent, pensez à faire un don. Nous transférons tous les dons au centre juridique de Lesvos et à Solidarité Lesvos, afin de soutenir leur travail vital sur le terrain. On mettra les données, comment faire un don sur notre blog, tranchedanard.noblogs.org. Et voici encore un morceau de musique de Site No Border. Avant de terminer l'émission avec la dernière nouvelle, la situation dans les centres fermés en Belgique pendant la période de Corona. récoltés et à retrouver sur le site de www.gettingthevoiceout.org. Insoumis qui veulent accueillir leurs frères, à ceux qui veulent garder ouvertes leurs frontières, à ceux qui tendent la main tout en jetant la pierre. Liberté de circuler, interdit de spéculer, ne plus laisser faire. Capital, victime du libéral, pays colonisé, peuple oppressé, dictature financière, vol des matières premières, dictateur financé, révolution étouffée, oppression politique pour intérêt économique, espoir d'ailleurs meilleur, de vivre sans la peur, enquête aux libertés, au pays des richesses volées, poussé à s'en aller, poussé à tout quitter. Ce sont nos égoïsmes qui nourrissent leur enfer, ce sont nos peurs de l'autre qui les emmènent au cimetière. Mais leur survie s'arrête là où commencent nos barrières, mais leur survie s'arrête là où commencent nos frontières. Nos borders insaisissables, nos borders insatiables, nos borders solidaires, nos borders libertaires, nos borders radicales, nos borders antilibérales, nos borders utopistes, nos borders humanistes. Nos borders insaisissables, nos borders insatiables, nos borders solidaires, nos borders libertaires, nos borders radicales, nos borders antilibérales, nos borders utopistes, nos borders humanistes. Nos borders pas sans raison, animés par la rébellion, vous brisez leurs filles. Nous briserons vos vitrines, nous construirons leur abri avec nos rêves d'autonomie. Nous les accueillerons chez nous comme nous le voudrions chez eux. Nous serons leur éclaircie pour dissiper vos belles promesses. Nous lutterons sans répit pour faire taire votre allégresse. Vos frontières vous arrangent bien, gardez les pauvres dans leur pays. Exploitez à l'étranger en leur faisant rêver d'ici. Voler leurs richesses sans jamais les rétribuer. Vous appelez ça économie, moi j'appelle ça des colonies. Nos borders insaisissables, nos borders insatiables, nos borders solidaires, nos borders libertaires, nos borders radicales, nos borders antilibérales, nos borders utopistes, nos borders humanistes. Nos borders insaisissables, nos borders insatiables, nos borders solidaires, nos borders libertaires, nos borders radicales, nos borders antilibérales, nos borders utopistes, nos borders humanistes. La terre est ronde et ne connaît aucune limite, bien qu'il y ait des cultures, des usages, des traditions qui diffèrent. Nous sommes tous fils et filles de terre-mère. Les lois naturelles ne nous empêchent pas de migrer, de voyager, de circuler, mais elles condamnent l'exploitation immorale bien que légale que vous faites de l'être humain. Accueillir le vivant ou la vivante, d'où qu'il soit, d'où qu'il vienne, tout en sabotant les entreprises et gouvernements salaces qui installent et profitent de cette situation d'inégalité crasse. Liberté de circuler, égalité de circulation, fraternité avec les circulants, loin de vos centres de rétention et des reconduites à la frontière. Vous pouvez nous stigmatiser, mais nous sommes et resterons le grain de sable de votre machine bien huilée. Nos borders insaisissables, nos borders insatiables, nos borders solidaires, nos borders libertaires, nos borders radicales, nos borders antilibérales, nos borders utopistes, nos borders humanistes. Nos borders insaisissables, nos borders insatiables, nos borders solidaires, nos borders libertaires, nos borders radicales, nos borders antilibérales, nos borders utopistes, nos borders humanistes. Nos borders insaisissables, nos borders insatiables, nos borders solidaires, nos borders libertaires, nos borders radicales, nos borders antilibérales, nos borders utopistes, nos borders humanistes. Dans les centres fermés en Belgique pendant la période de corona. Récolter et à retrouver sur le site de www.gettingthevoiceout.org. Non-gestion du corona en centre fermé entre abandon et répression. Depuis quelques semaines, toute la société belge est réorganisée afin de suivre les mesures sanitaires décidées par le gouvernement. Toute la société belge est réorganisée, enfin presque, dans les centres fermés, les prisons, les hôpitaux psychiatriques et pour les personnes sans abri, les mesures prises ne sont pas les mêmes. Les oubliés de la société capitaliste subissent toujours et encore plus les inégalités sociales, y compris celles de genre et de race. On est abandonnés à nous-mêmes, dira un détenu du centre fermé de Merckxplatz. sachant que la transmission se fait par gouttelettes, soit en toussant, en éternuant et ou en touchant les objets, comme les paniers, la nourriture, les couverts, etc. Les mesures prescrites par les services de santé belges ont été d'éviter au maximum qu'un trop grand nombre de personnes se trouvent dans un même espace, touchent les mêmes objets dans les espaces de vie collectif. Concernant les institutions collectives, le lavage des mains, des objets, des surfaces et le port de masques sont recommandés afin de protéger, entre autres, les personnes à risque, personnes souffrant de maladies chroniques respiratoires, cardiaques, rénales ou le diabète, qui, elles, pourraient faire des complications respiratoires si elles contractent le virus. Or, en centre fermé, les personnes à risque n'ont pas été détectées et aucune mesure de prévention n'est mise en œuvre. On parle de 6 avril 2020. Les visites sont suspendues, mais les travailleurs travailleuses des centres fermés sont quant à eux voués chaque jour à sortir de l'institution et avoir de nombreux contacts avec d'autres personnes, contrairement aux personnes enfermées. Les personnes détenues ne sont, quant à elles, jamais informées des décisions institutionnelles sur les mesures possibles et des cas existantes. Déjà soumises à un système traumatisant en soi, risque d'expulsion, enfermement, promiscuité, perte de repère, violence institutionnelle, etc., elles sont aussi soumises au climat de peur sociétale autour du coronavirus, mais sans avoir accès aux informations qui pourraient permettre de poser des choix individuels et collectifs concernant leur santé. Ainsi, les personnes détenues dans ces centres n'ont pas accès à des mesures sanitaires adéquates et font face à l'exacerbation des violences institutionnelles à leur encontre. Puis le coronavirus, elles sont d'autant plus oubliées face à l'enfermement et aux violences accrues. De plus en plus de détenus se fragilisent, développent des symptômes post-traumatiques et psychomatiques, aménorrhées ou règles abondantes pour de nombreuses femmes, vomissements, maux de tête ou douleurs traumatiques, dépression grave, voire symptômes de dépersonnalisation, ou retournent ces violences contre eux. Recrudescence des automutilations. Les personnes détenues sont soumises à un pouvoir hiérarchique institutionnel contre lequel elles n'ont que peu de latitude d'action. Certains tentent de réagir face aux violences et injustices répétées subies en s'organisant collectivement de différentes manières, en se revoltant, en tentant de parler aux directeurs, en témoignant. À chaque fois, la répression de leurs actions, leur tentative de faire entendre leur voix et choix est très violente afin de casser toute velléité de solidarité. À travers le système d'enfermement et des frontières, les sociétés occidentales capitalistes hiérarchisent les êtres humains. Il y a ceux qui peuvent avoir accès à certains territoires et ceux qui ne peuvent pas. La non-gestion de l'épidémie du coronavirus en centre fermé redouble cette hiérarchisation. Il y aurait celles et ceux qui méritaient que l'on prenne soin de leur vie et les autres, les détenus, de tout ordre. Prisons, centres fermés, hôpitaux psychiatriques, ouvriers des usines, les improductifs de la société, utilisables, comme le montre l'appel à des personnes sans papier ou des personnes détenues à moindre coût pour faire des masques, puis jetables. Nous nous déclarons profondément opposés, indignés et révoltés face à ces systèmes racistes et capitalistes inhumains et inégalitaires assumés par les autorités belges. Nous revendiquons l'ouverture de tous les centres fermés, la libération des détenus et la mise à disposition des lieux d'hébergement ouverts à leur intention. Je vous ai lu le texte qui est apparu sur le site gettingthevoiceout.org qui parle en général de la situation dans les centres fermés pendant cette période de pandémie Covid-19. Mais ils ont aussi enregistré un audio avec un témoignage d'une personne détenue en centre fermé de Bruges. Et voilà, je vous passe aussi ce témoignage audio. Je suis au centre de Bruges dès le 30 mars 2020. Je suis venu ici, dès le jour que je suis venu ici, j'arrive pas à acheter des shampoings, j'arrive pas à acheter des gels douche. Les chefs, les gardiens et les détenus, ils n'ont pas des masques et ils ne respectent pas les mesures du corona. Il n'y en a pas 1,5 mètre. On vit tous dans un groupe. Il y en a un salle parfumée. Et de temps en temps, on est à 20 ou 25 personnes dans un salle de 6 mètres. Dans le trio, les gardiens, ils n'ont pas de masque, ils n'ont pas de gants, ils respectent pas aussi les mesures, ils restent ensemble. Et dans les autres deux salles de la télévision et l'autre salle de billard, aussi le même, ils sont deux. Les gens, ils vont à droite ou à gauche, ou dans la salle la une, ou la deux, ou la trois. Et dans le trio, il n'y en a pas de respect de corona. Et dans les deux salles aussi non plus. Pour le reste, si tu vas chez le docteur et tu dis, il t'appelle et tu vas là-bas et tu restes là-bas à attendre, mais à la fin, il fait rien pour nous et il traite à nous comme des animaux. Ici, le mètre et demi et les mesures du corona, il n'y en a rien du tout. Il n'y en a aucune personne qui respecte ça. Pour les chefs, et quand ils viennent le matin, ils mesurent à eux seulement qu'ils ont 37 degrés de plus et ne rentrent pas. Mais le corona, tout le monde le sait, tu peux avoir comment on dit en flamand, croste, la fièvre, après une semaine ou après 10 jours. S'il vient une personne malade ici, tout le monde va être malade. On va être tout malade parce que tous on a contact un avec l'autre, tous on se donne la main, tout le monde reste à côté un derrière l'autre, on fait même les cigarettes ensemble, on doit allumer les cigarettes des briquets des chefs, de leurs mains à notre main. Alors c'est vraiment, vraiment, vraiment, il n'y a pas de respect du coronavirus. Pour le reste, à la salle à manger aussi, nous, tout le groupe, il y en a deux groupes, A, B et C et D. Le groupe de A, B, on descend ensemble, comme mon groupe, moi je suis B11. On descend dans la salle, on mange ensemble. Il y en a une vingtaine de détenus et il y en a une dizaine de chefs. Il y en a deux personnes aussi qui travaillent dans le bar, dans le restaurant, qui dans le manger. Et on est tous dans la même salle et il n'y a même pas un, même pas deux les détenus et il n'y a même pas un des chefs qui respecte la mesure d'un mètre et demi. J'espère que vous pouvez donner à nous un main parce que cette situation, c'est vraiment inhumaine. Moi, je suis malade. J'ai 42% de capacité de mes poumons. J'ai tuberculose avant. Bridge ici, il y en a beaucoup de gens qui passent et même ils les laissent dans des conditions inhumaines. Ça fait une semaine que je me lave pas. Je me lave avec l'eau. Et ils disent l'eau et le savon. Là. Ils ont des savons qui vraiment, qui coupent la main. Et c'est un savon qui est vraiment, vraiment, vraiment, je sais pas avec quoi fait, mais qui coupe les mains. Et dans le douche, on doit se laver avec l'eau parce qu'il n'y en a pas ni gel douche et ni du shampoing. Merci pour votre information et on espère que vous allez donner à nous en main. Moi, je suis un père des enfants belges et il y en a beaucoup de gens qui sont ici, qui ont des enfants, qui ont des adresses et peuvent regarder pour nous, s'il vous plaît, parce que nous sommes aussi des êtres humains. Même nous, des étrangers, mais nous sommes aussi des êtres humains. Merci beaucoup et au revoir. Elle est dans votre main, madame. Mais on n'a pas peur de faire les grèves et aller dans les cachots. Mais on a peur d'être malade du corona et qu'on sait mourir et notre famille va rentrer à nous. Et on ne sait même pas retourner à notre pays d'origine quand nous sommes morts. Ils vont nous mettre dans un sac plastique et nous jeter ici en Belgique. Voici, ceci, c'était la fin d'émission Transgenre sur Radio Air Libre. Vous pouvez réécouter le podcast sur le blog transgenre.noblogs.org. Merci et à la semaine prochaine. C'est à l'écoute de Transgenre. De Transgenre. De Transgenre.